Le comité préparatoire national pakistanais pour la célébration de la journée du soleil et le comité espagnol du genre ont été constitués à Karachi et à Madrid. Ils envisagent de présenter largement via les presses la vie révolutionnaire sacrée et les exploits du président Kim Il-sung et d'organiser des activités variées comme rendez-vous commémoratifs, séminaires, conférences, séances cinématographiques, etc. Le comité préparatoire danois a vu le jour aussi à Copenhague.